Chapitre 3e. Société à bord du bateau à vapeur, vue du Mississippi, crocodile, arrivé à Memphis, Nashoba. Le temps était chaud et superbe, et nous trouvâmes que la garde du bateau, c'est ainsi qu'on appelle en Amérique la galerie qui tourne autour des cabinets, était une position fort agréable. Nous y restions assises tant qu'il faisait jour, et quelquefois, enveloppés dans nos châles, nous y jouissions de la beauté d'un brillant clair de lune américain, longtemps après que les autres passagers nous avaient quittés. Nous avions à bord une collection complète de passagers. Le pont, comme c'est l'usage, était occupé par les mariniers des bateaux plats du Kentucky, revenant de la Nouvelle-Orléans, après avoir vendu la cargaison et le bateau qu'ils avaient conduit jusque-là, n'ayant d'autre peine que de le diriger, le courant faisant faire au bateau 4 000 à l'heure. Nous avions environ 200 de ces hommes à bord, mais la partie qu'ils occupent sur le vaisseau est si éloignée des cabinets que nous ne les voyons jamais, excepté lorsque nous nous arrêtions pour prendre du bois. Alors ils couraient, ou plutôt sautaient par-dessus les uns les autres sur la terre où ils aidaient à ramasser du bois, cette occupation faisant partie du paiement de leur passage. D'après les détails que nous donna un domestique qui partageait leur demeure, il paraît que ce sont des hommes fort turbulents, toujours jouant ou jurant, presque constamment ivres, et ne passant jamais une nuit sans donner des preuves du respect qu'ils éprouvent pour les doctrines qui prêchent l'égalité des biens. Le scribe du bâtiment fut assez aimable pour prendre notre domestique sous sa protection et pour lui donner un lit dans sa petite chambre. Mais, comme ce lieu n'était pas inaccessible, il lui recommanda de ne point ôter de sur lui sa montre et son argent pendant la nuit. Quelle que soit leur moralité, ces habitants du Kentucky sont une belle race d'hommes. Leur taille est beaucoup plus haute que celle des Européens, et leur visage, lorsqu'il n'est pas défiguré par des cheveux rouges, ce qui arrive souvent, est d'une extrême beauté. Les gentlemen qui habitaient la cabine, nous n'avions pas de dames à bord, n'auraient reçu ce titre, d'après leur langage, leur manière et leur apparence, dans aucune partie de l'Europe. Cependant, nous apprîmes dans la suite qu'ils y avaient des droits certains, en les entendant s'appeler, les uns les autres, général, colonel ou major. En parlant de ces dignités à un ami anglais quelque temps après, il me dit qu'il avait fait ce voyage avec la même sorte de société. Il remarqua qu'il n'y avait pas un seul capitaine parmi eux. Il fit cette observation devant un passager, lui demandant ce que cela signifiait. « Oh, monsieur, les capitaines sont sur le pont. » Ce fut la réponse. Nos dignités, cependant, n'étaient pas toutes militaires, car nous avions un juge parmi nous. Je trouve qu'il est facile de ridiculiser les manières et les usages d'un peuple qui nous est étranger, et nous pouvons en même temps paraître ridicules nous-mêmes. Je ne suis pas disposé à m'étonner de tout ce qui est nouveau pour moi, mais avec la meilleure volonté du monde, il était impossible de ne pas éprouver de la répugnance pour tout ce qui nous entourait. L'absence totale des politesses habituelles de la table, la promptitude vorace avec laquelle les viandes étaient saisies et dévorées, l'étrangeté des phrases, la dureté de la prononciation, l'expectoration continuelle contre laquelle il était impossible de garantir nos vêtements, la manière effrayante dont les Américains se servent de leurs couteaux, enfonçant la lame dans leur bouche jusqu'au manche, et celle, plus effrayante encore, de se nettoyer les dents après dîner avec un canif qu'ils portent à cet usage dans leur poche, toutes ces causes réunies nous empêchait de penser que nous fussions entourés de généraux, de colonels et de majors de l'ancien monde, et de trouver que les heures de nos repas fussent des moments agréables. Le peu de conversation qui avait lieu pendant le dîner était entièrement politique, et les droits respectifs d'Adams et de Jackson étaient discutés avec plus de véhémence et surtout de serments que je n'en avais jamais entendu. Une fois, un colonel fut sur le point d'insulter un major, lorsqu'un énorme gentleman du Kentucky, marchand de chevaux de profession, pria le ciel de les confondre tous les deux et leur ordonna de se rasseoir ou d'aller au diable. Comme nous craignions d'être compromises dans cette sentence, nous nous tînmes fort tranquilles ce jour-là et depuis nous ne restâmes dans la salle des repas que le temps nécessaire pour manger. Le terrain plat des rivages du Mississippi continue pendant plusieurs milles au-dessus de la Nouvelle-Orléans, mais le gracieux palmette, le sombre et noble ilex et le riche oranger se rencontrent à chaque pas, et au bout de quelques jours nous étions presque las de les voir. Lorsque le bâtiment s'arrêtait pour faire du bois, nous saisissions souvent l'occasion d'aller faire une visite de 10 minutes à terre. De cette manière, nous vîmes un champ de canne à sucre et nous nous chargeâmes d'autant de canne à sucre que nous pûmes en emporter. Plusieurs d'entre les passagers trouvèrent fort bon le jus qu'on en exprime facilement, mais il était trop doux pour moi, et mon vol ne me servit à rien. Nous visitâmes aussi avec la même rapidité une plantation de coton. On nous montra un spacieux couvent où un nombre considérable de jeunes personnes sont élevées par des religieuses. Un ou deux points de cette plate forêt sont embellis par des bluffs. C'est ainsi qu'on appelle un court espace de terre élevée. La ville de Natchez est située d'une manière charmante sur une de ses hauteurs. Le climat, pendant les chaleurs, y est aussi fatal qu'à la Nouvelle-Orléans. Sans cela, cette ville de Natchez aurait de grands attraits pour les nouveaux arrivants. Le contraste délicieux que forment ces montagnes d'une brillante verdure avec la triste ligne d'une forêt sombre qui s'étend de tous côtés, la crue abondante des pawpaw, des palmettes, des orangers, et la variété des fleurs odoriférantes qui y croissent, concourent à lui donner l'aspect d'une oasis dans le désert. Natchez est le dernier point où les oranges mûrissent en plein désert et passent l'hiver sans avoir besoin d'abri. À l'exception de ce lieu charmant, toutes les petites villes et les villages à travers lesquels nous passâmes avaient le plus misérable aspect. À mesure qu'on s'éloigne de la Nouvelle-Orléans, l'air de richesse et de bonheur qu'on trouve dans ces environs disparaît. Et à l'exception d'un ou deux amas de maisons qu'on appelle villes et qui ont reçu un nom pompeux, emprunté généralement à la Grèce et à Rome, nous aurions pu croire que nous étions les premiers êtres humains qui eussent pénétré dans ce pays d'ours et d'alligators. Cependant, de temps en temps, on apercevait la hutte d'un coupeur de bois qui fournissait les bateaux à vapeur au risque, ou plutôt avec l'assurance d'une mort prompte en échange des dollars et du whisky qu'il recevait. Ces tristes demeures sont presque toutes inondées pendant l'hiver, et la plupart d'entre elles sont bâties sur des pieux, ce qui permet à l'eau d'atteindre son plus haut point sans noyer les malheureux habitants. Ces êtres misérables sont inévitablement les victimes de la fièvre, qu'ils augmentent par l'usage continuel des boissons fortes. Les visages pâles des femmes et des enfants ont quelque chose d'affreux, et bien que ce spectacle se renouvelle souvent, je ne pouvais jamais le contempler avec indifférence. Leur teint est d'un blanc bleu qui fait naître l'idée de l'hydropisie. Les pauvres enfants présentent le même aspect. Une misérable vache et quelques cochons enfoncés dans l'eau jusqu'aux jarrets indiquent les demeures les plus riches. Et pour terminer, je dirais que je n'ai jamais vu la nature réduite à tant de misère que dans les huttes des coupeurs de bois sur les rivages malsains du Mississippi. On assure que sur plusieurs points de cette triste rivière, les crocodiles sont en grand nombre et ajoutent la terreur de leur voisinage aux autres souffrances qu'on trouve dans ces déplorables demeures. On nous raconta l'histoire d'un coupeur qui, ayant choisi un emplacement sur les bords de la rivière, commença à se bâtir une cabane. Ce travail est promptement terminé car le besoin de la société et l'amour du whisky amènent tous les voisins autour du nouvel arrivant pour l'aider à abattre des arbres et à rouler les bûches jusqu'à ce que la demeure soit complète. Tout était prêt. La femme, 5 jeunes enfants avaient été mis en possession de la nouvelle habitation et dormaient profondément après une longue marche. Vers l'aurore, le mari fut éveillé par un faible cri, et ouvrant les yeux, il aperçut les restes de 3 de ses enfants répandus sur le plancher et un énorme crocodile entouré de ses petits et occupé à terminer son horrible repas. Il chercha autour de lui un objet de défense, mais n'en trouvant point, et convaincu que sans armes il ne pouvait rien faire, il se leva doucement sur son lit, et de là il essaya de se glisser à travers une fenêtre, espérant que sa femme, qu'il laissa endormie, ainsi que 2 enfants au maillot couchés près de leur mère, ne seraient point perçus par le monstre jusqu'à son retour. Il courut chez le plus proche voisin, et en moins d'une demi-heure il revint avec 2 hommes bien armés. Mais hélas, il était trop tard, la femme et les 2 enfants étaient déchirés sur leur lit sanglant. Les reptiles, gorgés de chair humaine, devinrent une proie facile pour leurs assaillants, qui, en examinant les lieux, trouvèrent que la hutte avait été construite près de l'ouverture d'un énorme trou, ressemblant presque à une caverne où le monstre avait mis au jour son affreuse progéniture. Parmi les autres signes de désolation qui distinguent cette région condamnée par la nature, on peut compter la lueur fatigante d'une forêt en feu et qui était presque toujours visible après le soleil couché. Souvent aussi, le vent apportait d'épais nuages de fumée au-dessus de nos têtes. Toute la nouveauté de cette scène, toute son immensité ne pouvait adoucir l'horreur qui s'emparait de nos esprits. Peut-être les repas que j'ai décrits contribuaient-ils à cette disposition, mais il est certain que lorsque nous eûmes navigué pendant 8 jours sur le fleuve, n'ayant d'autre point de vue que cette éternelle forêt, que nous eûmes d'abord admiré les draperies festonnées de la mousse espagnole, lorsque nous eûmes appris à distinguer les différentes masses de bois qui passaient devant nous ou devant lesquelles nous passions, enfin lorsque nous eûmes reconnu que les gentilshommes des établissements militaires du Kentucky et de l'Ohio n'étaient pas de la même race que ceux des Tuileries et de Saint-James, nous commençâmes à trouver le temps long. En avançant vers le nord, notre vue ne fut plus recréée par les belles bordures de palmettes, et nous ne retrouvions même plus l'amusement de découvrir les premiers un crocodile endormi. Nous étions dans cet état lorsque, tout à coup, un choc subit et violent vint nous effrayer. « C'est une bûche, » dit l'un. « C'est un arbre, » dit l'autre. « Nous touchons, » s'écria le capitaine. « Nous touchons, grand Dieu, et combien de temps resterons-nous là ?»« Le ciel et la Providence peuvent seuls le dire, mais je crains que ce soit assez longtemps pour fatiguer ma patience. » Plaignaient les pauvres Anglaises. Elles eurent à supporter 2 déjeuners, 2 dîners et 2 soupers avec les gentilshommes de l'Ohio et du Kentucky avant que le bateau pût avancer d'un pouce. Plusieurs bateaux à vapeur passèrent tandis que nous étions ainsi engravés, mais quelques-uns n'étaient pas assez forts pour essayer de nous tirer de ce mauvais pas, d'autres le tentèrent, mais en vain. Enfin, une énorme machine nous approcha, nous jeta ses grappins de fer, et en 3 minutes, notre affaire fut faite. Alors nous vîmes les arbres et la boue laissés de nouveau en arrière par notre course rapide. Un cri de joie échappa à tous les passagers qui étaient sur le pont. Enfin, nous eûmes le plaisir d'entendre dire que nous atteignions Memphis. Mais cette joie fut considérablement diminuée par l'heure de notre arrivée. Nous fîmes notre entrée à minuit et par une pluie qui tombait par torrents. Memphis est située sur une hauteur, et à l'heure de notre arrivée, cette ville était presque inaccessible. La pluie qui venait de tomber pendant plusieurs heures eut rendu toute montée difficile, mais malheureusement une nouvelle route venait d'être indiquée, et nous allâmes nous enterrer dans ces boues au lieu de gravir le roc plus solide. Nous y laissâmes nos souliers et nos gants, car nous fûmes obligés de nous servir de tous nos membres, et nous atteignîmes le grand hôtel dans l'état le plus déplorable. Miss Wright était connue dans ce lieu, et aussitôt son arrivée, chacun fut empressé de la recevoir. Nous nous trouvâmes bientôt en possession des meilleures chambres. La maison était neuve. Elle ne me parut pas très commode, mais je n'étais pas encore habitué à l'Amérique du Nord et leur manière de se tirer d'affaires. Cette phrase est éternellement en usage parmi les Américains et semble signifier qu'il faut tâcher d'exister avec le moins possible des commodités de la vie. Néanmoins, nous dormîmes à merveille, et nous nous éveillâmes dans l'espoir de quitter bientôt cette ville à l'odeur de mortier pour les possessions de Miss Wright à Nashoba. Mais nous nous aperçûmes bientôt que la pluie qui était tombée pendant la nuit eût rendu dangereux de se hasarder à travers la forêt de Tennessee dans aucune espèce de voiture. Nous fûmes obligés de passer la journée dans notre incommode hôtel. La société du bateau à vapeur m'avait fatigué des repas publics, et j'aurais été enchanté de manger notre dîner de venaison dure et de sauce aux pêches dans ma chambre. Mais Miss Wright m'assura que c'était impossible, que la maîtresse de la maison regarderait cette proposition comme un affront personnel, et qu'elle refuserait certainement d'y consentir. Ce dernier argument était irrésistible, et lorsque la cloche résonna à une fenêtre haute de la maison, nous nous rendîmes dans la salle à manger. La table avait été dressée pour 50 personnes, et elle était déjà presque remplie. Notre société avait l'honneur d'être placée près de la maîtresse de la maison, mais pour réprimer l'orgueil qu'une telle distinction aurait pu faire naître, mon domestique William avait été mis presque en face de moi. La société était composée de boutiquiers, ou négociants, comme on appelle ces derniers dans tous les États-Unis. Le maire, ami de Miss Wright, était aussi de la partie. Il me parut un homme aimable et comme il faut, et me sembla tout à fait déplacé dans cette petite ville sur le Mississippi. On nous dit que, depuis l'établissement de cet hôtel, les habitants mâles de la ville avaient pris l'habitude d'y déjeuner et d'y dîner. Ils mangent dans un profond silence, et avec une si étonnante rapidité que leur dîner fut terminé avant que le nôtre eût littéralement commencé. Aussitôt qu'ils eurent fini, ils se précipitèrent hors de la chambre avec le même silence qu'ils avaient gardé depuis qu'ils y étaient entrés, et une autre bande prit leur place et joua le même rôle d'une manière aussi taciturne. Le seul bruit qu'on entendait était produit par les couteaux et les fourchettes avec l'accompagnement habituel de tout, etc. Il n'y avait de femmes que nous et notre hôtesse. Les bonnes dames de la ville étaient enchantées de ne point avoir à faire la cuisine pour leur mari, et elles la laissaient de bon gré manger la venaison et les dindons de Mrs. Anderson, tandis qu'elles se régalaient chez elles de champignons et de lait. Le reste du jour se passa agréablement à parcourir la petite ville, qui est bâtie sur un des plus beaux sites du Mississippi. La rivière y est si large qu'elle a l'apparence d'un lac immense. Une île couverte d'arbres majestueux la divise et coupe par sa masse imposante l'uniformité de ses ondes. La ville s'étend d'une manière irrégulière sur une hauteur, depuis la rivière Wolf, une des innombrables tributaires du Mississippi, jusqu'à environ 1 mille plus bas. À 1/2 mille sur la hauteur au-delà de la ville, on ne voit plus d'arbres, mais de bons pâturages pour des chevaux, des bâches et des porcs. Il ne s'y trouve pas de moutons. Aux deux extrémités de cet espace, la forêt lève de nouveau ses sombres remparts et semble dire à l'homme « Tu n'iras pas plus loin ». Le courage et l'industrie ont néanmoins bravé cette défense. Au-delà d'une longue rue, la ville s'étend dans la forêt, et la route difficile qui conduit jusqu'aux huttes les plus éloignées devient à chaque pas plus sauvage. Le sol est rompu par différents courants d'eau, et les ponts qui sont jetés dessus sont formés par des troncs d'arbres qui en supportent d'autres plus petits posés en travers. Ces ponts ne sont pas fort faciles à traverser, car ils tremblent sous les pieds, et ce tremblement redouble d'une manière effrayante sous un cheval ou sous une charrette, mais ils sont néanmoins très pittoresques. L'élévation prodigieuse des arbres, la quantité de vignes pendantes qui forment des festons autour d'eux, la variété des oiseaux au gai plumage, particulièrement de petits perroquets verts, tout nous faisait sentir que nous étions dans un nouveau monde. Une seconde promenade, semblable le jour suivant, nous aurait beaucoup convenu. Mais Miss Wright était impatiente d'arriver chez elle, et nous ne l'étions pas moins de voir ses propriétés de Nashoba. Une lourde machine, traînée par deux chevaux, fut préparée pour nous, et nous partîmes de bonne humeur pour une expédition de 15 milles à travers la forêt. Afin d'éviter de passer sur un des ponts que j'ai décrits, et qu'on nous assurait n'être pas solide, notre cocher nègre nous conduisit à travers une pièce d'eau qui, disait-il, n'était pas assez profonde pour s'en inquiéter. Néanmoins, nous perdîmes bientôt de vue notre timon, et comme nous descendions évidemment, nous représentâmes doucement à notre cocher le danger d'avancer. Pour toute réponse, il nous montra ses dents blanches et fouetta les chevaux. Nous vîmes bientôt les roues de devant disparaître, les chevaux commencèrent à plonger et à donner d'effrayants coups de pied, mais notre cocher allait toujours son train. Enfin, l'essieu céda, sur quoi notre philosophe nègre nous dit avec une grande tranquillité « Je suppose que vous feriez mieux de sortir de là sur les chevaux, car nous sommes enfoncés d'une jolie manière. » Miss Wright, qui avait conservé son sang-froid et souriait à cette scène, répondit avec calme « Oui, Jacob, c'est ce que nous avons de mieux à faire. » Alors nous tâchâmes d'atteindre la terre non sans difficulté, et nous nous trouvâmes bientôt de nouveau rassemblés autour du feu de Mrs. Anderson. Nous convînmes d'attendre que les eaux se fussent écoulées, mais Miss Wright était trop impatiente pour attendre 1 ou 2 jours. Elle repartit à cheval accompagnée de notre domestique. Il me dit dans la suite l'avoir vue traverser avec la plus grande aisance les mauvais pas qui eussent arrêté le chasseur le plus intrépide. Le jour suivant, nous partîmes à notre tour. L'air pur, le soleil brillant, la beauté de cette forêt sombre et sauvage et la curiosité que nous éprouvions rendirent ce petit voyage délicieux et nous firent supporter sans nous plaindre les secousses et les contusions que nous attrapâmes. Nous perdîmes bientôt toute trace des routes frayées. Du moins cela nous parut ainsi, car les troncs d'arbres qui avaient été coupés pour ouvrir un passage s'élevaient encore à la hauteur de 3 pieds, sur lesquels la machine qui nous traînait et à laquelle on donnait le titre de voiture passait en sûreté. Mais nous eûmes besoin d'une expérience de plusieurs milles pour nous convaincre que chaque secousse ne serait pas la dernière. Il était amusant d'examiner le sang-froid et l'adresse avec laquelle notre cocher lançait ses chevaux et ses roues au milieu de ses troncs d'arbres. Je pensais qu'on pourrait l'enseigner dans Bond Street avec un grand succès. À chaque mille, la forêt devenait de plus en plus sombre et épaisse, mais notre nègre, qui ne cessait pas de grincer des dents, déclarait que c'était la véritable route et que nous étions sûrs d'atteindre Nashoba. Nous y arrivâmes en effet, et un regard suffit pour me convaincre que l'idée que je m'étais formée de ce lieu était aussi loin de la vérité que possible. Désolation, c'est le seul mot, le seul sentiment qui se présenta d'abord, mais ce mot ne fut pas prononcé. Je pense néanmoins que Miss Wright fut convaincue de la pénible impression que la vue de sa forêt avait produite sur moi, et je ne doute pas que la conviction que nous nous étions trompés toutes les deux, en pensant que nous passerions ensemble quelques mois dans ce lieu avec plaisir, s'empara d'elle et de moi au même instant. Mais, pour lui rendre justice, je crois que son esprit était si exclusivement occupé de ses projets que tout le reste lui paraissait indifférent. Je n'ai jamais vu un enthousiasme pareil au sien. Ce qu'on lit des siècles passés au temps du fanatisme religieux peut seul en donner une idée. C'est un sentiment aussi puissant que ce fanatisme qui engagea Miss Wright, habituée à toutes les commodités et à tout le luxe de l'Europe, à imaginer qu'elle pût habiter dans ce désert et que des Anglaises puissent arriver dans ce lieu et n'être pas effrayées de son aspect sauvage. Il y avait plusieurs bâtiments. Chacun d'eux consistait en deux grandes chambres meublées de la manière la plus simple. On n'y trouvait pas même les petites commodités que les gens les moins difficiles classent parmi les nécessités de la vie. Mais notre ami philosophe ne paraissait pas s'en apercevoir, et il n'y avait pas la moindre affectation dans cette indifférence. Ces choses étaient réellement au-dessous d'elle. Son âme et son esprit étaient possédés de l'espérance d'élever l'intelligence des Africains au niveau de celle des Blancs. Et maintenant que j'ai vu cet établissement favori de son imagination tomber en ruine, je ne puis me rappeler sans admiration le dévouement qu'elle lui portait. Les seuls Blancs que nous trouvâmes à Nashoba furent mon aimable amie Miss W., sœur de Miss Wright, et son mari. Je crois qu'ils avaient de 30 à 40 esclaves, y compris les enfants, à l'époque de notre séjour, mais l'école n'était pas encore établie. On avait réuni des livres et différents matériaux pour cette grande expérience. Un ou deux professeurs avaient été engagés, mais rien n'était encore organisé. Je trouvais mon amie, Miss W., dans un très mauvais état de santé. Elle m'avoua qu'elle pensait que le climat en était la cause. Cette confidence m'alarma naturellement pour mes enfants. Je me décidai à quitter ce lieu, ce que je fis au bout de 10 jours. Je ne sais pas exactement quelle fut la cause qui engagea Miss Wright à abandonner un projet qui avait pris tant d'empire sur son imagination et pour lequel elle avait dépensé tant d'argent. Mais plusieurs mois s'étaient à peine écoulés lorsque j'appris avec beaucoup de plaisir qu'elle et sa sœur avaient aussi quitté ce désert. Je crois qu'en retournant à Nashoba, elle se convainquit que le climat était contraire à leur santé. Tout ce que je sais, c'est que Miss Wright, ayant trouvé, n'importe par quelle cause, qu'il était impossible de donner suite à son projet, accompagna elle-même ses esclaves à Haïti et les laissa libres sous la protection du président. Je ne trouvais aucun charme dans les environs de Nashoba, et je ne crois pas que l'été puisse leur en prêter beaucoup. Les arbres y sont si près les uns des autres qu'il ne peut y croître d'arbustes, un des grands ornements de la forêt de la Nouvelle-Orléans. Nous ne vîmes aucune clairière où les effets variés de lumière et d'ombre remplaçassent l'absence d'autres objets. Les champs qui entouraient l'établissement me parurent trop peu considérables et mal défrichés. Cependant, on m'assura qu'on y avait fait une bonne récolte de coton et de maïs. Le temps était sec et agréable, et l'aspect des cieux, la nuit, d'une surprenante beauté. Je n'ai jamais vu un clair de lune aussi pur et aussi brillant. Nous retournâmes à Memphis le 26 janvier 1828, et nous fûmes obligés d'y passer 5 jours, attendant un bateau à vapeur pour nous conduire à Cincinnati. C'est dans cette ville de l'Ouest que j'avais l'intention de me rendre avec ma famille pour attendre l'arrivée de M. Trollope. Tous ceux qui nous parlèrent de Cincinnati nous assurèrent que c'était la ville la plus agréable des Allegheny. Nous trouvâmes dans les environs de Memphis plusieurs promenades charmantes. Nous sortions tous les matins et tous les soirs pour jouir des effets admirables de l'horizon sur la rivière. De cette manière, nous attendîmes assez patiemment le bateau à vapeur qui devait nous emmener.